À l'occasion de la journée du soleil, ont eu lieu l'exposition de Kim Il-sung et de Kim Jong-il en Chine, les conférences et expositions de livres, de photos et des objets d'artisanat coréens en Finlande et au Pérou, et les meetings de célébration en Afrique du Sud et à la Fédération internationale des femmes démocrates. Dans le salon étaient exposées les photos sur la vie révolutionnaire et les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et sur les activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Y étaient également exhibées les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsen, les livres et photos montrant le vrai aspect de la Corée du Sud, les objets d'artisanat représentant le talent créateur du peuple coréen, ainsi que les Kim Il-sung et Kim Jong-il, fleurs d'honneur. À la cérémonie tenue en Finlande, les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.